mais qu'est-ce que ça va donner? Un autre filet dans les journaux, deux ou trois mots à la radio, pas sûr que ça passe à la télé, sur internet tu te feras pitcher. Pourquoi te suicider? Qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi te gazer? Attends au moins une autre année. Tu pourrais gagner quelques millions. Tu pourrais trouver l'amour. Tu pourrais devenir un papa. Tu pourrais devenir quelqu'un. Nous a pas parlé. Si on avait su, on l'aurait consolé. Maintenant, c'est d'être qui va les rembourser. Tu vois comme c'est beau l'amitié.